بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui donc le cours 46 dans l'explication du Kitab al-Tawhid, le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les commentaires de Cheikh al-Fawzan sur son charh. Et on est arrivé, on est toujours dans l'explication du hadith de... en fait, c'est le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas. Mais avant le hadith, il y a un dialogue entre Hussein ibn Abdurrahman et Saïd ibn Jubayr, justement au sujet de différentes questions. Puis on a lu... l'explication du hadith au complet dans les explications de Cheikh Al-Fawzan dans les cours précédents. On a terminé l'explication générale et là maintenant le Cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des commentaires sur le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan maintenant, des différentes phrases ou des différentes parties du hadith. Donc on a fait le charh général du hadith au complet dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan, et on a commencé au dernier cours l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Et le Cheikh Al-Fawzan, à chaque point, il s'arrête pour ajouter des petites clarifications ou des petites explications pour rendre le charh du Cheikh Abdurrahman plus clair encore. Donc, on est arrivé maintenant à l'endroit où le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique la partie du hadith où il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les nations m'ont été présentées par la suite. Donc il dit qawluhu inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala 'uridat 'alayya al-umam qultu fa Allahu a'lamu mata 'uridat. Donc il dit que c'était, je pense c'était Abdullah ibn Abbas qui rapporte le hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les nations m'ont été présentées. Donc les différentes umam, le pluriel du mot umma, c'est umam. Et les différentes umam, différentes nations m'ont été présentées. C'est-à-dire elles m'ont été présentées les unes après les autres. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il fait un commentaire à ce sujet-là en disant que on ne sait pas quand cette présentation des différentes nations ont été ramenées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Abdurrahman, il dit à ce sujet-là: هذا هو موقف هذا هو الصحيح التوقف وإن كان بعضهم يقول هذا ليلة الإسراء وبعضهم يقول إن هذه رؤية منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به مرة ثانية في المدينة وكل هذا لا دليل عليه فالأحسن التوقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عرضت علي الأمم ليلة كذا. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique et il dit que c'est la position correcte à adopter, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on a présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ces différentes nations. Et il dit, le Cheikh Al-Fawzan, donc il dit il faut s'arrêter, at-tawakkuf, c'est-à-dire on s'abstient de parler et on s'arrête à ce sujet-là. Et il dit, certains savants ont dit que c'était un événement qui s'est produit pendant la nuit de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laylat al-Isra. Et d'autres savants ont dit c'était une vision qu'il a eue pendant qu'il dormait, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça. D'autres ont dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait eu une deuxième ascension quand il était à Médine. Et le Cheikh Al-Fawzan dit: tout cela n'est pas supporté par aucune preuve. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve pour supporter ça dans les textes, ni dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques. Donc, il dit, le mieux, c'est de s'abstenir. De s'abstenir de faire des commentaires à ce sujet-là et de ne pas rajouter de détails ou de dire c'était telle nuit ou tel jour ou tel moment, hein, on ne le sait pas. Donc on s'abstient. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on m'a présenté les nations, il n'a pas dit telle nuit ou à tel endroit. Donc nous on s'abstient, on s'arrête à ça. On s'arrête à ce qu'il a dit. Le cheikh il dit ensuite وعرضها أن الله عز وجل أراه مثالها إذا جاءت يوم القيامة إذا جاءت يوم القيامة الأنبياء ومن تبعهم فمن نجا بالإيمان بالله وبما بعث به أنبياؤه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن نوح يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون فعبادته توحيده وطاعته وبامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسولهم وهذا هو الدين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا. Donc il dit le cheikh ensuite que la présentation des nations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré l'exemple de ces nations-là telles qu'elles viennent au jour de la résurrection avec leurs prophètes et ceux qui ont suivi ces prophètes-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Allahu Azza wa Jal ara nabiyyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mithalu maji'il umam yawm al-qiyamah sawwarahu lahu subhanah wa hadha min mu'ajizatihi sallallahu alayhi wa sallam » وقد قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وهذا من آيات الله قال عز وجل في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم Allah lui a montré les exemples des nations qui viennent au jour de la résurrection, et il les a illustrés pour lui. Il lui a représenté ça. Hein, c'est comme s'il lui a montré ça, hein, comme un exemple de qu'est-ce qui va se produire au jour de la résurrection. Et ça, ça fait partie des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit, justement, par exemple, dans Surat al-Isra, le verset 1, hein, gloire à celui qui a yani, fait voyager son serviteur pendant la nuit de la mosquée de la Mecque al-Haram, la mosquée sacrée, jusqu'à la mosquée de al-Aqsa, celle dont on a béni les alentours, pour lui faire voir de nos signes. Il est certes l'audient et le voyant. Et il dit, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi ce qu'il a mentionné dans Surat al-Najm, hein, dans le verset 18, hein, « لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ » Al-Kubra, certes, il a vu parmi les plus grands signes de son Seigneur. Et ça, donc, ça fait partie de ces grands signes. Après, le Cheikh, il explique que ceux qui ont été sauvés par la foi, hein, en Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les serviteurs d'Allah qui ont suivi ces messagers-là, chaque prophète avec sa nation. Donc, ils suivent leurs prophètes. Donc, ceux qui suivent ces prophètes-là, c'est ceux qui ont cru. Et donc, ils ont été sauvés par la foi. Et c'est-à-dire la foi en quoi? La foi en Allah et la foi en ce avec quoi ces messagers-là et ces prophètes ont été envoyés, de la religion qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et cette religion-là, ça consiste à quoi? Eh bien, ça consiste à adorer Allah seul, hein, de l'adorer lui seul, et de ne lui donner aucun partenaire et aucun associé dans l'adoration, et de délaisser et d'abandonner l'adoration de tout ce qui existe en dehors de lui. Hein? Et de prendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire, et de délaisser tout ce qui leur a été interdit. Donc ça, c'est la religion d'Allah. Si tu veux en résumer, c'est quoi la religion d'Allah? C'est ça. d'adorer Allah seul, hein, et de rien associer avec lui, de pas faire de shirk, et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui, de prendre ce qu'il t'a ordonné et de délaisser ce qu'il t'a interdit. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et ce qu'il a dit par l'intermédiaire de son prophète Nuh alayhi salam à son peuple lorsqu'il s'est adressé à eux dans le verset 2 et 3 dans sourate Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Noé a dit: ô mon peuple, je suis un avertisseur clair pour vous. Et il dit, qu'est-ce que vous devez faire? Et ce de quoi je suis venu vous avertir, c'est que vous devez adorer Allah, lui seul, et que vous devez vous préserver de lui en faisant ce qui est ordonné et en vous abstenant de ce qui est interdit, et lui obéir, hein? Obéir, c'est-à-dire vous devez obéir au messager. Et obéir à Allah et à son messager, bien entendu. Et il dit donc, l'adoration d'Allah, c'est quoi? C'est de l'unifier, d'établir son tawhid, c'est-à-dire de l'adorer lui seul, et de croire en sa rububiyya, et de croire en ses noms et en ses attributs, et de ne rien associer avec lui, de lui obéir en mettant en application ce qu'il nous a ordonné de faire, et en délaissant ce qu'il nous a interdit, et en obéissant à son messager. Ça, c'est la religion d'Allah. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Et c'est la religion de tous les prophètes. Hein? Et il dit qu'on ne doit pas adorer rien d'autre excepté Allah, et qu'on ne doit adorer Allah que par ce qui a été légiféré par Allah. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de faire des actes, hein, d'adoration, excepté si ces actes d'adoration-là ont été ordonnés par Allah et appliqués et enseignés par le messager Mohammed dans les hadiths authentiques. Ça veut dire que si des gens inventent des adorations ou inventent des sortes d'adorations, hein, ou bien ils font des actes d'adoration qui ont été légiférés mais qui ont été déformés ou changés dans leur manière, alors là, dans ce cas-là, ça, c'est pas une adoration. C'est pas une adoration qui sera valable. Donc tu dois uniquement adorer Allah tel qu'il t'a ordonné, et si il a fait quelque chose, tu dois le faire selon ta capacité, et s'il a délaissé quelque chose, eh bien, dans ce cas-là, c'est une adoration de le délaisser. Hein? Donc, il y a les ibadat, parmi les adorations, il y a al-ibadat, al-fi'liya ou al-tarkiya. Les adorations qui sont les adorations de délaissement, c'est-à-dire lorsque quelque chose a été délaissé par le prophète, alors dans ce cas-là, eh bien, c'est une adoration de le délaisser nous aussi. Ensuite, le cheikh, il explique que at-taqwa, il explique sa définition, ou bien il définit qu'est-ce qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa wa at-ta'a wa al-khashya lillahi 'azza wa jalla, wa amma al-ittiba' wa al-iqtida' wa at-ta'a fatakunu lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa man yuti' Allah faqad ata'a ar-rasul. Wa man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Naam. Donc la taqwa, c'est la piété, hein? C'est la piété, et c'est le fait de faire ce que Allah nous ordonne et de s'abstenir de ce qu'il a interdit, et de le faire par espoir pour sa récompense et par crainte de son châtiment. Ça, c'est la définition de la taqwa. At-ta'a, c'est l'obéissance, et al-khashya lillahi, ça veut dire la crainte d'Allah, d'avoir peur d'Allah et d'avoir peur de lui désobéir, de lui déplaire, d'avoir peur de faire ce qu'il n'aime pas. Hein, pour éviter son châtiment. Et al-ittiba, donc il dit, tout ça, c'est la taqwa, l'obéissance, la crainte, c'est pour Allah seul. Tandis que l'obéissance et le suivi le fait de prendre comme exemple, eh bien ça, c'est pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand on dit, on a seulement le droit d'adorer Allah, et on obéit à Allah et à son messager. Donc, quand on a l'obéissance, hein, c'est pas par adoration pour le prophète qu'on lui obéit. C'est par adoration pour Allah qu'on obéit au prophète. Donc, quand Allah nous ordonne d'obéir au prophète et que nous, on lui obéit, on n'est pas en train d'adorer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, on est en train d'adorer Allah en mettant en application son ordre d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une distinction importante. Et c'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit adorez-moi, craignez-moi, puis obéissez. Et ça veut dire obéissez au prophète et obéissez à Allah. Et quand on obéit à Allah et on obéit au prophète, quand on obéit au prophète, on est en train d'obéir à Allah aussi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. Celui qui a obéi au messager, il a obéi à Allah. Hein? En obéissant au messager, il a obéi à Allah. Pourquoi? Parce que Allah nous a ordonné d'obéir au messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il dit, donc l'adoration, hein? Son adoration, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'établir son tawhid et de lui obéir dans le fait de faire ce qu'il nous ordonne et de délaisser ce qu'il nous a interdit et d'obéir au messager. Donc ça, c'est tout ça rentre dans l'adoration. Et il dit donc le cheikh dit la sabila ila ta'atillah illa bi ta'ati rusulih alayhim as-salatu was-salam. Fala tu'rafu ibadatullah illa bima ja'at bihi ar-rusul alayhim as-salatu was-salam. Donc il dit il y a pas de façon de pouvoir obéir à Allah excepté si on obéit au messager. Hein? Alayhim as-salatu was-salam. Et il dit que on ne connaîtra pas l'adoration d'Allah excepté par ce que les messagers ont apporté de la révélation d'Allah. Hein? Et c'est pour ça que il y a personne en dehors de, par exemple, en dehors du messager, il y a personne qu'on a le droit d'obéir de façon absolue. En dehors du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qu'on a le droit d'obéir de façon absolue. Peu importe que ce soit un cheikh, peu importe que ce soit un imam, peu importe que ce soit un savant, un alim, peu importe que ce soit un marabout, peu importe qui ça peut être. En dehors du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qu'on a le droit d'obéir de façon absolue, excepté le messager d'Allah. Pourquoi ? Parce que c'est seulement le messager d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir de façon absolue. De un, parce que ce qu'il nous a ordonné de faire, c'est ce que Allah lui a révélé. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il n'y a personne qui reçoit de révélation en dehors du messager. Hein? Il n'y a personne qui reçoit des révélations en dehors du messager. Et de deux, Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé de l'erreur. Hein? L'a protégé de l'erreur et par conséquent, tout ce qu'il dit à propos de la religion et de la révélation ne va être que la vérité. Tandis que toute autre personne en dehors du messager, il peut se tromper, il peut faire des erreurs, peu importe, même si c'est le plus grand savant ou le plus grand cheikh au monde, le plus grand savant et le plus grand cheikh au monde ou le plus grand wali au monde ou le plus grand marabout au monde, il va se tromper parce que c'est un être humain. Et tous les êtres humains se trompent, sans exception, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, c'est seulement le messager d'Allah qu'on a le droit de suivre de façon absolue. Et même d'autres êtres humains que Allah nous a ordonné d'obéir, comme par exemple, Allah nous a ordonné d'obéir aux dirigeants, et il nous a ordonné d'obéir à nos parents, il nous a seulement permis de leur obéir dans ce qui est en accord avec ce qu'il a révélé et dans le bien. Hein? Même qu'il dit dans le verset wa in jahadaka li tushrika bi, hein? Wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Et si il te force, il t'ordonne à obéir ou plutôt à associer avec moi ceux dont tu n'as aucun savoir, aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Fala tuti'huma. Ça, c'est pour les parents. Hein? Même la femme, Allah lui a ordonné d'obéir à son mari. Elle doit obéir à son mari, mais elle n'a pas le droit d'obéir à son mari si son mari lui demande de désobéir à Allah ou à son messager. Donc, c'est une obéissance qui est restreinte, qui est limitée à l'obéissance d'Allah et de son messager. Et même l'obéissance aux dirigeants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ta'atu fil ma'ruf ». L'obéissance aux dirigeants n'est que dans le bien. n'est que dans ce qui est en accord avec l'obéissance d'Allah et de son messager. Si le dirigeant t'ordonne de faire un péché, tu n'as pas le droit de lui obéir dans le péché. Mais tu dois lui obéir dans tout ce qui est en accord avec la charia d'Allah et tout ce qui est bien, du moment que tu as la capacité. Hein? Tu fais selon ta capacité. Tandis que le messager d'Allah, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et on est dans le hadith, « Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hein? Wa ma nahaytukum anhu fashtanibu. » Ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites selon ce que vous êtes capable. Fa'tu minhu mastata'tum. Donc ça veut dire qu'on doit faire de tout ce que Allah nous a ordonné selon notre capacité. Même Allah dit dans le Coran, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah ou ayez de la piété envers Allah, c'est-à-dire préservez-vous d'Allah de son châtiment le plus que vous êtes capable. Hein? Donc ça c'est pour clarifier la réalité de qu'est-ce que ça signifie d'obéir à Allah et à son messager et la différence qu'il y a entre l'obéissance à Allah et à son messager et l'obéissance qu'il y a à d'autres créatures parmi les créatures à qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir et que cette obéissance-là, elle est limitée. Hein, il n'est pas absolu. Ensuite, le cheikh il dit وَأَنَّ هَذَا وَهَذَا هُوَ الدِّينِ أَنْ لَا يُعْبَدْ إِلَّا اللَّهِ وَأَنْ لَا يُعْبَدْ إِلَّا بِمَا شَرَعَ فِعْلًا وَتَرْكًا. Cheikh al-Fawzan il dit par rapport à ça, donc la vraie religion c'est qu'il n'adore rien d'autre que Allah. Ça, c'est la religion du tawhid, هذا دين التوحيد, وأن لا يعبد إلا بما شرع, et qu'il n'adore Allah que par ce qui a été légiféré par Allah. وهذا هو دين الاتباع والاقتداء والنهي عن الابتداع في الدين. Donc ça, c'est la religion du suivi et de se limiter à qu'est-ce qui a été montré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interdiction d'innover et de faire des bid'ah, des innovations dans la religion. Et ça, hein, c'est le résumé ou bien la clarification du témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Hein, at-tawhid, c'est la ilaha illallah et al-ittiba', le suivi du messager, c'est Muhammad Rasulullah. Donc c'est ça la signification du témoignage de la foi. Après le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « وَأَنْ يُقَدِّمَ طَاعَةَ رَسُولِهِ عَلَى مَا جَاءَ » على ما يحبه ويهواه يعني أن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. Donc le cheikh il explique que également parmi les éléments de la religion de l'islam, c'est que tu dois donner précédence, hein, tu dois donner précédence à l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam sur ce que tu aimes toi et ce que tu as comme désir et comme passion. Donc, si tu as tous les êtres humains, on a tous cette réalité en nous-mêmes. On a tous cette réalité en nous-mêmes qu'on a des désirs, on a des passions, on a des choses qu'on aime. Parfois, il y a des choses qu'on aime qui sont en accord avec ce qu'Allah aime et on a des désirs et des passions qui sont en accord avec qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est permis. Et parfois, on a des désirs et des choses qu'on aime qui sont en contradiction avec ce que Allah a légiféré et ce qu'il a permis. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, lorsqu'on arrive dans une situation où on a un conflit entre ce que nous, on aime et ce qu'on a comme passion et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré de faire? Eh bien, si c'était un kafir, hein, quelqu'un qui est kafir, qui ne croit pas en Allah, il va faire quoi? Il va donner toujours précédence à ses désirs et à ses passions. Il ne va donner aucune importance à ce que Allah aime, ni à ce que son messager a ordonné ou légiféré. Tandis que si c'est un mu'min, un croyant qui a une foi forte, hein, et qui est fort dans sa foi, il va toujours donner précédence à ce que Allah aime et il ne va pas écouter ses passions et ses désirs. Il va mettre l'obéissance d'Allah et de son messager en avant de ce qu'il aime lui-même et de ce qu'il a comme passion ou comme désir. Toutefois, si c'est un croyant, un musulman, mais que sa foi elle est faible, eh bien, là, peut-être que parfois, il va donner la précédence à ce que Allah aime et à ce qui est bien. Et parfois, peut-être que par faiblesse dans sa foi ou par négligence, il va se laisser tenter et il se peut que parfois il glisse. Hein? Mais il faut comprendre une chose, c'est que ça, c'est parce qu'il a une foi faible. Et c'est parce qu'en faisant ça, il désobéit et il fait un péché. Donc, l'obligation pour ce genre de situation-là, lorsque ta foi est faible, lorsque tu tombes dans le péché, l'obligation pour toi, c'est de te repentir, demander pardon à Allah et de revenir au droit chemin. C'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Hein? Avec la permission d'Allah, tu te repens, tu reviens à Allah et tu recommences. Hein? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et il est pardonneur. Donc, il y a toujours la porte qui est ouverte pour la repentance et pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois donner précédence à ce que tu aimes. Tu dois donner précédence à ce que Allah aime et à tes désirs au-dessus de ce que toi tu aimes. Et ça, c'est ce qui est bien à faire dans toute chose. Il n'y a pas des limites ou des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent précédence à ce que Allah aime dans certaines choses de leur vie, puis dans d'autres aspects de leur vie, ils donnent précédence à ce qu'eux, ils aiment. Et ça, c'est mauvais. Hein? Ça, c'est dangereux. D'accord? Donc, il faut comprendre ça. Le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus. Il dit, « Qaddim ta'at al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ala kulli shay. La tuqaddim ala ta'at al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam shay'an abadan la ta'atan la ta'ata walidak la ta'ata ummik la ta'ata ayy ahadin ولا طاعة العالم الفلاني أو طاعة الملك الفلاني لا طاعة ولا طاعة نفسك. Donc le cheikh, lui, il élargit l'affaire, il agrandit l'affaire encore plus. Il dit, donne précédence à l'obéissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam, sur toute chose. Hein? Il dit, tu ne vas pas donner précédence à quoi que ce soit devant l'obéissance au messager. Hein? En aucun cas. Ni l'obéissance de ton père, ni l'obéissance à ta mère, ni l'obéissance à quiconque parmi les hommes. Hein? Que ce soit ton professeur, que ce soit ton entraîneur de ton coach dans ton équipe de sport, ni par exemple, je sais pas moi, le policier au coin de la rue, hein? Ou bien ni, par exemple, tes amis ou tes copains ou les gens que tu connais. Ni, Cheikh il dit, ni ton père, ni ta mère, ni un Cheikh ou un alim, hein, ni le roi un tel ou un tel, ou le président un tel ou un tel. Ni même l'obéissance à ta propre personne. Donc, ne t'obéis même pas à toi-même si ton âme, elle t'ordonne de faire quelque chose qui est haram ou quelque chose qui est interdit. Hein? Et donc il dit ensuite le cheikh wa qawluhu cheikh Abdurrahman il dit qawluhu fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruht il dit ar-ruht al-ashratu fama dun hein wan-nabiy wa ma'ahu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan ay atba'u wan-nabiyya وليس معه أحد أي يعني يبعث في قومه يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد فلا يتبعه منهم أحد قال الله كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل قديما وحديثا والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. Le Cheikh il explique ensuite que il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et j'ai vu le prophète avec lequel il y avait Ar-Ruht. Ar-Ruht, ça veut dire un groupe qui est moins que 10. Et il dit j'ai vu un prophète qui avait avec lui seulement un ou deux hommes. C'est-à-dire parmi ceux qui ont cru et qui ont suivi. Donc, et il dit et j'ai vu d'autres prophètes qui arrivent, il n'y a personne avec eux. C'est-à-dire, il a été envoyé à un peuple, et parmi les gens de ce peuple, il n'y en a même pas un seul qui a cru en son message et en sa mission. Subhanallah. Donc, il dit, il cite le Cheikh le verset 10 et 11 dans Surat Al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et nous avons envoyé avant toi, dans les peuples précédents, hein, dans les peuples précédents des prophètes et des messagers, et il n'y a pas un prophète qui leur a été envoyé, excepté qu'il se moquait. Hein? Il se raillait, il se moquait de lui. Donc, c'est pour dire que la majorité des gens qui sont dans les peuples sont égarés, et ceux qui sont sauvés parmi les différents peuples, eh bien, c'est toujours un petit nombre. Que ce soit dans le passé, hein, ou bien que ce soit à notre époque, c'est toujours un petit nombre qui accepte la vérité et qui croit. Tandis que la grande majorité, eh bien, ils sont pris par leur nature humaine et ils désobéissent aux messagers et ils périssent à cause de ça. Hein? Regarde, par exemple, sur Terre, maintenant, on dit qu'il y a 7 millions d'habitants. 7 milliards, oui, 7 milliards, waouh. C'est beaucoup, hein? 7 milliards d'habitants sur la Terre aujourd'hui, et parmi ces 7 milliards, ils disent qu'il y a de musulmans qui sont musulmans, de façon générale, qui disent musulmans, ils sont 1 milliard, hein? Autour de 1 milliard environ. C'est sûr que parmi ce milliard, il y en a qui ne sont pas nécessairement musulmans pour de vrai, mais ils se disent musulmans. Donc, on dit que c'est quand même 1 sur 7. Donc, ça ne fait pas beaucoup. C'est toujours une minorité quand même. D'accord? Donc, c'est toujours une réalité. Et c'est toujours une vérité. Et parmi ce milliard de musulmans, combien sont sur la sunna et sur le tawhid? On peut calculer ça aussi, puis voir que c'est encore une fois, c'est une minorité. Ce n'est pas la majorité. Donc, Yani, c'est pour ça. Ils ont désobéi aux messagers et ils ont péri à cause de ça. Et aussi, il y a une différence entre désobéir aux messagers dans les fondements et dans les bases de la religion et désobéir aux messagers dans les éléments de la religion qui sont des branches ou qui découlent de ces bases, mais qui ne sont pas en elles-mêmes des fondements. Donc, une différence entre les deux. Il y a des gens, par exemple, parmi les gens, par exemple, qui sont musulmans, eux, ils ont obéi aux messagers dans les bases. Ils acceptent le tawhid, ils acceptent la base qu'il faut croire en les messagers, les éléments de la foi, ils acceptent ça. Sauf que, parfois, peut-être dans certains éléments de la religion, dans certains aspects de la pratique ou de la foi, ils ont des péchés, des manquements, des choses qui ne sont pas correctes. Toutefois, ils restent quand même des musulmans. Tandis qu'il y en a parmi les êtres humains, eux, ils rejettent, ils désobéissent dans les bases de la foi. C'est-à-dire, ils désobéissent dans le tawhid, donc ils font du shirk, ou ils désobéissent dans l'iman, dans la base de la foi. Ils renient la foi en Allah, en les messagers, ou en les livres, ou des choses comme ça. Ou bien le qadar, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des gens qui sont en dehors de la foi, parce qu'il renie les fondements de la foi. Donc, il y a une différence entre les deux. Hein? C'est ça. Dans la bid'a, ça peut être ça peut être dans les deux cas. Tu peux faire une bid'a qui est mukaffira, et ou bien tu peux faire une bid'a qui n'est pas mukaffira. Hein? Donc, par exemple, si je te dis, par exemple, quelqu'un qui fait du shirk, est-ce que le shirk, ce n'est pas une bid'a? Oui, le shirk, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que les messagers ont enseigné. Donc, si quelqu'un, il prie avec du shirk, ou ils invoquent d'autres que Allah, ou bien ils font ils cherchent l'intermédiaire des saints ou des tombes, ben ça, c'est du shirk. Mais c'est une bid'a en même temps, parce que c'est quelque chose que les messagers ne faisaient pas. Donc, il y a des formes de bid'a qui sont du shirk. Il y a des formes de bid'a qui vont pas jusqu'au shirk majeur, c'est-à-dire ça va pas nécessairement te faire sortir de l'islam si tu le fais. Comme par exemple, si quelqu'un il célèbre le Mawlid al-Nabawi, ça c'est une bid'a. Mais est-ce que c'est une bid'a mukaffira? Non, pas nécessairement. Parce que si dans le fait de célébrer ça, il se limite uniquement à faire par exemple, je sais pas moi, il fait à manger, il fait des choses spéciales ce jour-là, il fait des anachides ou des choses comme ça, tu vas dire ça c'est des bid'a, mais c'est des bid'a qui sont dans la désobéissance des péchés et des contradictions de la religion. C'est sûr que c'est plus grave qu'un péché ordinaire, parce que c'est quelque chose qui risque de faire tomber dans l'égarement. Pourquoi? Parce que tu rends légiférer quelque chose que Allah n'a pas légiféré. Et ça, c'est beaucoup plus grave que de faire un péché. Celui qui fait un péché, par exemple, qui boit de l'alcool ou qui fait le zina, il dit pas que faire le zina, c'est une adoration, ou qu'en faisant le zina, il se rapproche d'Allah. Hein? C'est très différent. Tandis que celui qui fait le mawlid, il pense qu'il fait quelque chose que Allah aime, donc il le fait avec beaucoup d'intention, de cœur, et il pense que Allah est content de lui. Donc ça, c'est plus dangereux en réalité. Le pécheur, il est mieux que le mubtadi', dans le sens qu'il légifère pas, puis il rend pas halal. Hein? Et aussi, c'est dangereux les bid'a, parce que des fois, une bid'a commence par une petite, puis elle se termine par une grosse. Et elle peut devenir plus grave. Même les péchés aussi, c'est comme ça. Les péchés, ça peut appeler d'autres péchés. Donc, les ulama même, ils disent Al-ma'siya baridul kufr. Hein? Le péché, c'est le messager de la mécréance. Donc, il faut faire attention dans tous les cas. Mais il faut savoir que la bid'a, c'est beaucoup plus dangereux que les péchés en général. OK. Donc le cheikh, il expliquait que donc il y a des prophètes qui vont venir avec un ou deux, d'autres qui viennent avec un seul homme, d'autres qui viennent avec personne parmi les prophètes. Et il dit, Wafihi Dalil, on a lu que le verset, on a vu que c'est la preuve qu'il y a toujours un petit nombre de gens qui acceptent la foi parmi les peuples. Et il dit, la plupart, ils ont suivi leur passion. Et Allah, il dit dans le verset 116, dans Sourate Al-An'am, et si tu obéis à la plupart des hommes sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Wa in tuti' akthara man fil ard, yudilluka an sabilillah. Donc ceux qui disent, par exemple, non, mais il faut faire comme les peuples. Hein? Il y a ce discours-là, des fois, on entend, de la part même de certains qui sont dans la politique, dans les pays musulmans. Ils vont parler à leur peuple et ils vont dire, écoutez là, regardez les peuples évoluer sur la terre, les peuples avancés, hein, les peuples développés. Parce que les pays musulmans, ils considèrent que c'est des pays sous-développés. Donc les pays développés, les pays qui ne sont pas les pays du tiers-monde, hein, eux, ils font les choses de telle façon. Donc, ils prennent les pays, hein, ces pays développés, soi-disant, comme des exemples, comme des modèles à suivre et comme une sorte d'idéal à atteindre. Donc ils disent aux gens de ces pays-là, si on veut suivre et être dans la même niveau, dans le même niveau que les pays développés, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. D'accord? Et il y a dans ça quelque chose de très dangereux. D'un côté, il faut distinguer les choses qui sont bonnes de celles qui sont pas bonnes. Hein, dans ces pays développés-là. Le problème, c'est que souvent, ces gens-là sont ignorants de la religion et ils ne savent pas où trancher. Ils savent pas comment distinguer le bien, le bon et le mauvais de ces pays développés-là. Donc, ils arrivent finalement à prendre tout ce qu'il y a. Et ils réalisent pas que en faisant ça, c'est très, très dangereux. Hein? Parce que qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est bon dans les pays développés, et il y a qu'est-ce qui est un poison et qui est dangereux dedans. Donc, si tu prends tout ensemble d'un seul coup, tu risques de périr. Tandis que si tu distingues et tu prends qu'est-ce qui est bon seulement, là, tu vas en profiter. Mais il faut faire attention à ça. Parce que ces pays-là, les pays occidentaux maintenant, là, ils sont en train de payer cher tous les dépassements et toutes les transgressions qu'ils ont fait contre la religion d'Allah. Et sur tous les plans, sur tous les points, sur le plan de même, regarde aujourd'hui l'alimentation. Juste parler d'alimentation. La population, comment elle devient de plus en plus malade et comment de plus en plus les gens commencent à devenir obèses. Le fait que les végétaux et les légumes sont tous traités par des pesticides et des produits pour tuer les insectes, mais qui finissent par empoisonner même les êtres humains finalement. Hein? Et ça qui cause des problèmes de santé chez les êtres humains par la suite. Tous les animaux également qui ont été parfois nourris avec toutes sortes d'antibiotiques, de toutes sortes de produits, d'hormones et de produits en tout cas, pour essayer soi-disant de les faire grossir plus rapidement, puis avoir plus de viande, pour avoir une production plus grande à un moindre coût et qui rend les animaux malades. La nourriture qui leur est donnée avec des pesticides qui les rend malades, les poissons, c'est la même chose, toute la pollution qui rentre dans les mers, dans les lacs, qui sont jetés, les poissons deviennent malades, tout ce qu'ils mangent, tout devient malade, et là maintenant, tout le monde est en train de dire, oh, il faut revenir au bio, hein, manger bio, manger bio, manger bio. Alors que tu vas dans certains pays, t'as pas besoin de demander est-ce que ça c'est bio ou ça c'est pas bio. Hein? Tout est bio, hein, parce qu'il n'y a que ça. Ici, c'était comme ça avant. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, bio, c'est devenu l'exception. C'est pour ça que c'est pour ça que maintenant, tu vas payer le double, hein, pour avoir une nourriture bio, alors qu'à la base, ça devait être la règle. Mais tout ça, ils sont en train de payer. Et dans quelques années, si ça continue comme ça, vous allez voir la situation, ça va être très, très, très grave, plus que maintenant. Et les pays sous-développés, que les gens disent sont sous-développés, qui n'ont pas suivi dans cette vague, hein, eh ben, c'est eux qui vont être les plus développés par la suite, parce qu'ils ne vont pas avoir tous ces problèmes-là, hein, toutes ces maladies-là, toutes ces situations-là. Leur terre, elle n'a pas été contaminée, leur terre, elle n'a pas été empoisonnée. Donc, leur eau, elle a été. De toute façon, actuellement, tout est partout, même ça commence à toucher même les pays du tiers-monde, tout ça, parce que les pays occidentaux, ils envoient toutes leurs cochonneries, comme on dit, là, leurs saletés, ils les envoient là-bas quand ils en ont fini ici avec, pour pas les perdre, pour pas les gaspiller, ils leur envoient là-bas. Ils disent, ah ouais, utilisez ça, vous, maintenant. Nous, ça, on les a interdits chez nous, ça, c'est devenu illégal ici. Vous n'avez pas de réglementation, prenez-les maintenant. Nous, on va pas perdre tout cet argent qu'on a investi, on va le vendre aux pays du tiers-monde. Donc tout ça, c'est pour dire comment on est en train de détruire tout ça. Et pourquoi j'en viens à ça? Pour dire que en réalité, yani, on ne doit pas suivre, hein, les gens dans le mal et dans le coffre et dans l'égarement. On doit suivre dans le bien, malheureusement. Comme je disais, les gens, ils veulent suivre les gens dans le mal. Et c'est pour ça que quand tu regardes, ça c'est juste sur le plan des choses de la dunya que j'ai mentionné. Mais quand tu regardes aussi même certains musulmans, non seulement ça, ils veulent même suivre les koufars dans leurs croyances, hein, matérialistes, dans leur façon de voir la vie, de façon seulement matérialiste. Et que le but de l'existence, c'est juste de faire de l'argent et de rentrer de l'argent, et puis de. Hein, faire monter le PIB, et puis peu importe à quel prix, même s'il faut faire tous les péchés du monde, ça ne dérange pas, même s'il faut désobéir à Allah, dans tout, c'est pas grave. L'important, on fait qu'est-ce qu'il faut, hein, pour augmenter notre économie, raffermer notre économie, devenir plus fort. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah » Si tu obéis à la plupart des hommes ou à la plupart des gens sur terre, hein, ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Eh bien, ça c'est la réalité. Si on suit aujourd'hui les pays développés, soi-disant, et que les musulmans prennent les pays développés comme exemple dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, dans leur économie, dans leur alimentation, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de vivre, dans tous les aspects de leur vie, ils vont certes s'égarer du droit chemin et probablement qu'ils vont même quitter la foi si ça continue comme ça. Parce que les koufars, ils appellent à l'enfer. Ils sont en train de suivre la voie du shaitan. Khutwat shaitan. Khutwat shaitan, c'est les pas du diable. Hein, parce que le diable, il n'égare pas les gens d'un seul coup, là, comme ça, il leur vient avec tous les égarements réunis. Non, il arrive petit à petit. Et il a un plan et une méthodologie très structurée. Et il vient étape par étape, hein, pour t'égarer. C'est comme quand quelqu'un devient obèse ou quelqu'un qui devient gros, hein, qui prend du poids. Il prend pas 10 kilos du jour au lendemain. Il prend un demi-kilo, même pas, hein? un petit gramme ici, un petit gramme ici, un petit gramme ici, 2 grammes, 3 grammes. 5 ans plus tard, c'est là que tu commences à voir qu'il est devenu gros. Et lui-même, il a pris du poids, il ne s'est même pas aperçu qu'il a grossi. Parce qu'il se regarde son corps et il dit, non, c'est le même corps, il n'est pas changé. Hein? Mais c'est arrivé tellement lentement qu'il ne s'est même pas aperçu. Hein? Eh ben c'est comme ça que l'égarement rentre aussi. L'égarement, elle rentre graduelle, de façon graduelle. Tu t'en aperçois presque pas des fois. C'est ça qui est dangereux avec l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran. وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Les shayatines qui les égarent du droit chemin, et eux, ils pensent qu'ils sont encore bien guidés. Hein? Après, l'autre verset que le cheikh il a cité, le verset 42 dans Sourate Ar-Rum, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 42 dans Sourate Ar-Rum, dit au Muhammad, allez parcourir la terre et regardez la conclusion que les gens avant vous ont eue. Comment ils ont terminé, hein? Comment ils ont fini? La plupart d'entre eux, c'était des mouchriquines. La plupart d'entre eux étaient des mouchriquines. Et il dit, les exemples de ce genre sont nombreux dans le Coran. Le verset 102 aussi, dans Sourate Al-A'raf. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ Il dit, de la plupart d'entre eux, on n'a pas trouvé de respect des engagements. Ils ne respectaient pas leurs engagements. Et il dit, وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Et nous avons trouvé que la plupart d'entre eux, c'était des pécheurs, des pervers. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, وَالنَّاجُونَ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ الْقَلِيلِ فَهُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ فَإِنَّهُمُ الْأَعْظَمُونَ قَدْرًا عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ قَلُّوا فَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمْ أَنْ يَغْتَرَّ بِالْكَثْرَةِ وَقَدْ اغْتَرَّ بِهِمْ كَثِيرُونَ حَتَّى بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ Donc, اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا الى ما قاله الله ورسوله Ça c'est un point important, le cheikh il dit, ceux qui ont été sauvés, c'est le plus petit de la minorité, et c'est eux la grande masse qu'on appelle as-sawad al-a'zam. As-sawad, ça veut dire la noirceur, l'immense noirceur, ça veut dire une foule de monde tellement grande et tellement immense que quand tu la regardes au loin, ça fait comme une masse noire. Hein? C'est ce qu'on appelle as-sawad al-a'zam. Ben, en réalité, cette image ou cette appellation, elle est trompeuse pour certains. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent que ça doit être la majorité des gens. Et ce n'est pas le cas. As-sawad al-a'zam, hein? La grande masse, hein? Eh ben, c'est la minorité. Même si on l'appelle as-sawad al-a'zam, c'est la minorité quand même. Hein? Parce que c'est eux qui ont, qui sont, ils sont grands en nombre, ils ne sont pas grands en nombre, mais ils sont grands en respect, en valeur auprès d'Allah. Même s'ils sont peu nombreux, c'est eux, As-Sawa de l'Azam. C'est comme le frère qui est venu vendredi passé, là. Puis il essayait de poser la question, il disait, pourquoi on voit que la religion de l'islam, c'est la religion qui grandit le plus au monde, hein? Même les koufars, ils reconnaissent qu'il n'y a pas une religion qui augmente le plus vite et le plus rapidement au monde entier. Hein? Toutes les religions sont en baisse et sont en chute, excepté l'islam. L'islam, tous les jours, il y a des convertis. À chaque fois, ça devient de plus en plus. Hein? Donc, il dit, comment ça se fait qu'il y a plus de musulmans, mais pourtant, Ahlus Sunnati wal Jama'a et As-Salafiyoun, eux, sont toujours une minorité. Donc, il essaie de dire comment ça se fait, et comme si pour dire, est-ce que ces gens-là qui se convertissent à l'islam, est-ce qu'ils ne sont pas yani, des vrais musulmans? Et la réalité, c'est que cette personne, elle n'a pas compris une chose. C'est que lorsqu'on dit que quelqu'un, il est devenu musulman, ça ne veut pas dire qu'il est devenu musulman sur la bonne voie. Hein? Mais en même temps, s'il n'est pas musulman sur la bonne voie, c'est-à-dire la voie des salafs et la voie de Ahl Sunna, est-ce que ça veut dire qu'il est en dehors de l'islam? Non. Et c'est ça que lui, il n'a pas compris. Il pense que quand on dit que quelqu'un il n'est pas salafi ou qu'il n'est pas sur la sunna, que ça veut dire qu'il est kafir. Et ça, c'est de son ignorance, hein, parce que ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut être musulman, il ne va pas faire partie de la secte sauvée ou du groupe qui est sauvé, dans le sens qu'il a des innovations ou il a des péchés ou il a des bid'ahs qui sont en contradiction avec la voie d'Ahl Sunna et la compréhension des salafs. Sauf qu'il n'est pas dans une voie qui est mukaffira ou dans un groupe qui commet ou qui pratique des formes de shirk majeur ou des formes de kufr majeur. Donc il est sous la menace de l'enfer comme les gens des grands péchés, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il va être en enfer du tout. Peut-être qu'Allah va lui faire miséricorde. Ou bien ça se peut qu'il va rentrer en enfer, mais même s'il rentre en enfer, il ne va pas y rester éternellement parce que, hein, il fait partie des gens du tawhid. Hein? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Parmi ces 72 sectes qui sont menacées de l'enfer, il y en a peut-être qui sont en dehors de l'islam, et il y en a qui sont à l'intérieur de l'islam, qui ont commis des péchés à différents degrés, ou des innovations à différents degrés. Donc, parmi les gens qui se convertissent à l'islam, il y en a qui se convertissent et qui découvrent l'islam par la salafia. Il y en a d'autres qui découvrent l'islam par des soufis, il y en a qui découvrent l'islam par d'autres tendances ou d'autres groupes, tablir ou autres. C'est possible que ces gens-là, ils rentrent dans l'islam par des voies qui ne sont pas droites, mais qu'en cours de route, ils apprennent et ils comprennent et ils reviennent au droit chemin et ils acceptent la sunna par la suite. Ou bien des fois, comme certains qui rentrent dans l'islam par l'intermédiaire de gens qui sont sur la sunna, ils rentrent directement dans la sunna, en même temps qu'ils rentrent dans l'islam. Donc, il n'y a pas de en fait, il n'y a pas de conflit là. Lui, il soulève cette question, c'est uniquement pour faire de la polémique en réalité, parce que la réponse à cette question-là, elle est extrêmement claire. Hein? Non, parce qu'il y a des gens qui rentrent maintenant dans l'islam, il y en a qui tombent avec des takfirines, avec des khawarij, hein, des gens qui ont des idées extrémistes qui sont contraires à la sunna, il y en a qui rentrent dans l'islam avec d'autres tendances, et puis ils suivent ces gens-là. Hein. Donc c'est ça qui est dommage, mais c'est toujours la responsabilité des musulmans qui ont connu la sunna, et qui connaissent la compréhension des salafs, de la transmettre aux autres, de l'expliquer aux autres, pour qu'ils puissent, Inch'Allah, être sur le droit chemin eux aussi. Et le cheikh, il dit que, donc, ce n'est pas une question de quantité ou de majorité, donc que le musulman fasse attention de ne pas se laisser tromper par la majorité, ou de penser que si la majorité fait quelque chose, c'est ça qui est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité-là. Ils veulent toujours suivre, hein, qu'est-ce qu'ils appellent la norme. Hein. Ils pensent que la norme, c'est ça qui est normal, c'est ça qu'il faut faire. Donc, tu vas aller dans un pays, par exemple, où tout le monde est, en général, influencé par la voix des tasawwuf et des gens de bid'ah. Donc, toute la population, les dirigeants et l'autorité religieuse, les chouyours et le ministère des Affaires religieuses, tous ces gens-là sont des gens de bid'a. Ils ont du tasawwuf, ils sont dans la charia, ils pratiquent toutes sortes d'innovations, ils ont des croyances qui sont en contradiction avec la sunna. Donc toi, si quelqu'un, par exemple, il est né dans ce pays-là, il grandit dans ce pays-là, en général, il va suivre la voie de ce qui est enseigné par les imams dans ce pays-là. Hein? Sauf que, par exemple, à un moment donné, il va lire le Coran, il va lire les hadiths, il va voir des contradictions avec qu'est-ce que ces gens-là prêchent. Il va entendre des paroles des ulama de la sunna, il va lire les hadiths, il va lire les explications des salafs, puis il va comprendre qu'il y a un conflit, qu'il y a un problème. Alors il va se remettre en question, il va réaliser que certaines pratiques, des innovations que les gens font dans son pays, ben, c'est des choses qui sont en contradiction avec la sunna. Donc il va commencer à se remettre en question dans ces affaires-là et il va rejeter ces innovations-là, puis revenir à la sunna dans ces aspects-là. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que même si quelqu'un il n'est pas converti, même si quelqu'un il est né dans un pays musulman, il est né dans une famille musulmane, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement sur la vérité. Et c'est pas parce que la majorité des gens dans le pays font quelque chose que ça veut dire que c'est ça le haq. Tu vois, par exemple, si quelqu'un est né au Sénégal, ou il est né, par exemple, je ne sais pas moi, en Syrie, ou il est né, par exemple, je sais pas moi, il est né à Oman, hein, ou au Pakistan, ou en Indonésie. La majorité des gens là-bas, peut-être qu'ils font partie, ou bien dans cette ville-là, ils font partie d'une secte ou d'un groupe ou d'une tendance. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur le haq. Et puis, tu vas dire que, bon, dans cette ville-là, il y a juste deux ou trois salafis, ou deux ou trois qui sont sur la sunna. Et là, les gens, ils les voient, ils disent, ah, ces gens-là, c'est des égarés. Ah, ces gens-là, c'est des gens perdus. Hein? Regarde qu'est-ce qu'ils font. Hein? Peut-être dans tout le pays, là, il y a 10 femmes qui portent le niqab. Qui portent le niqab et qui portent des frères qui portent la barbe avec le kamis. Hein? Ouais, il dit, mais regarde-les, ces gens-là, ils pensent quoi? Et là, avec tout ce qui se passe comme fitna avec les khawarij et les takfiriyin, là, tout de suite, ils font des amalgames. Ils disent, ah ben, ces gens-là, ils s'habillent comme ça, donc automatiquement, c'est des extrémistes eux aussi. Hein? Et là, ils les stigmatisent, puis ils les mettent à l'écart, ou bien même, peut-être même, ils vont les mettre en prison. Donc, c'est pour dire que, yani, à notre époque, on vit al-ghurba. C'est ça l'étrangeté, le fait qu'on est étrange même parmi les musulmans, parce qu'on s'accroche à la sunna. Alors qu'en réalité, hein, il n'y a pas de contradiction avec qu'est-ce que on suit et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Hein? Alors, il ne faut pas penser que la majorité, c'est ça qui doit être suivi. Plutôt, qu'est-ce qui doit être suivi? C'est le haqq. Qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la sunna? Et la voie des pieux prédécesseurs parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc, même si eux, ils sont peu nombreux, eh bien, c'est eux qui sont sur le haqq. Et c'est eux, as-sawad de l'azam, même s'ils sont peu. Hein? Et à des époques, même les ulama, ils disaient, hein, la jama'a, c'est un tel parmi les ulama. Oui, c'est ça que le frère, il m'a envoyé. J'ai pas mon téléphone, mais le frère, il a envoyé le message sur le groupe des paroles des salafs qui mentionnaient que as-sawad de l'azam, à telle époque, c'était un tel parmi les imams ou un tel parmi les ulama. Comme à l'époque de l'imam Ahmad, il disait, la jama'a, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'à son époque, c'est lui qui a supporté et défendu la aqida des salafs et la voie d'Ahl Sunna. Alors que tous les autres ulama avaient été éprouvés et ils n'avaient peut-être pas été capables, eux, de montrer la Sunna de façon ouverte et d'affirmer la Sunna par peur ou par crainte ou pour d'autres raisons. Tandis que l'imam Ahmad, lui, c'est le seul qui avait tenu tête, hein, à toutes ces épreuves-là. Alors, ça veut dire qu'on l'a appelé, lui, l'imam de Ahl Sunna. On l'a appelé, on dit, c'est lui la Jama'a. Et à d'autres époques, dans d'autres régions, c'était un autre parmi les imams. On disait, un tel, c'est l'imam. Un tel, c'est lui la Jama'a. Hein? Et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une question de quantité ou de nombre. Hein? À l'époque de Ibrahim alayhi salam, c'était qui le croyant à part Ibrahim? Hein? C'était Ibrahim. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, lorsqu'il a reçu la visite de Jibril la première fois qu'il a cru en l'islam, hein, qu'il a eu le message d'Allah, il y avait combien de musulmans dans le monde à part lui? Il n'y avait personne. Et après, Khadija qui a cru, après, il y a eu yani Ali, après, il y a eu Abu Bakr, après, il y a eu Bilal. Yani, c'était un petit nombre. Tu dis, tous les hommes sur toute la terre entière, ils étaient tous dans l'égarement, excepté quatre ou cinq. Les gens disent, ah, je pense que c'était Khadija en premier. Wallahu a'lam. Ouais. Donc, c'est pour dire, hein, même Ali, radiallahu anhu, il a accepté l'islam avant Abu Bakr. C'est pour ça, mais c'est parce que Ali c'était un enfant. Il avait, je pense, une dizaine d'années. Alors que Abu Bakr, c'était un homme, il avait le même âge que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils disent que c'est Abu Bakr qui a accepté en premier la foi parmi les hommes. Et parmi les enfants, c'était Ali, radiallahu anhu. Et parmi les femmes, c'était Khadija. Ouais. Oui, c'est ça. Tout de suite, elle a cru. Donc, ça veut dire la première croyante, en fait, c'était Khadija, c'était une femme. Hein? Tu sais, les koufars, ils disent toujours, l'islam, c'est une religion, ça vous opprimez la femme et tout. La première femme qui a cru, la première personne qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme. Hein? Tu vois? Donc, ces gens-là, ils ne connaissent pas la réalité de l'islam. Ils voient juste ce qu'ils veulent voir. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit, فلا يغتر بالكثرة وإن كانت على الباطل ولا يزهد في القلة وإن كانوا على الحق المدار على الحق سواء كان عليه الكثير أو القليل والحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق هذا هو الصحيح. Qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? C'est un grand principe parmi les principes du manhaj des salafs. C'est-à-dire, tu dois pas te laisser tromper par la quantité. Salam alaikum wa rahmatullah. Tu ne dois pas te laisser tromper par le grand nombre. Hein, tu dis, ah, mais je vais être avec ce groupe-là. C'est eux la majorité. Donc, je vais être avec eux. Même s'ils sont sur le faux, non, ça c'est pas correct. Et tu ne dois pas non plus négliger le petit nombre. Parce que tu dis qu'ils sont petits. Tu dis, ah, ils sont sur le haq, mais ils sont peu nombreux. Alors, je ne veux pas être avec eux. Je veux rester avec la majorité. Non, ça, c'est de l'égarement, ça. Donc, il dit. Al-madar al-haq. Hein? Donc le point de la base, le centre, c'est quoi? Tu dois retourner al-haq, la vérité. Peu importe qu'il y ait un grand nombre ou un petit nombre. Ou bien le contraire, des fois. Des fois, tu vois que la majorité est sur le haq. Et tu vois un petit nombre sur le faux. Tu dis, hein, mais eux, c'est la minorité. Donc ça veut dire que c'est eux qui doivent être sur le haq. Non, c'est pas parce qu'un groupe est minoritaire qu'il est sur le haq. Un groupe peut être petit et être sur le batil aussi. Hein? Comme il y a des groupes, par exemple, de bid'a, par exemple, tu vois, des turuq soufis, par exemple, certaines turuq, il y a quelques gens qui se mettent autour d'un homme, ils disent, lui, c'est notre cheikh. Hein? Et qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est des bid'a, toutes sortes d'égarements. Et eux, ils disent, ah ben, on est minoritaire, donc on est sur le haq. Non! Ça ne veut pas dire parce que vous êtes minoritaire, automatiquement vous êtes sur le haq. Ce n'est pas une question de nombre. Ça a rapport avec est-ce que vous êtes en accord avec le Coran et la Sunna ou est-ce que vous êtes en contradiction avec le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. D'accord? Et le cheikh, il dit Al-haq la yu'rafu bil-rijal wa innama yu'rafu al-rijal bil-haq wa hadha huwa as-sahih. Et ça, c'est une règle aussi. Il dit la vérité. Elle n'est pas reconnue par rapport à des hommes, hein, par rapport aux hommes. C'est pas par rapport aux hommes qu'on reconnaît la vérité, mais on reconnaît plutôt les vrais hommes par leur attachement à la vérité. C'est le fait que quelqu'un s'accroche à la vérité que c'est par ça que tu vas le reconnaître. C'est pas le contraire. De dire, ah, lui, il croit en ça, donc ça veut dire que ça, c'est la vérité. Non. C'est parce que lui, il croit à la vérité qu'il est un homme de vérité. Ce n'est pas lui qui rend vrai ce qui est vrai. Ce n'est pas parce que lui croit en quelque chose que c'est vrai. Mais c'est plutôt parce que lui croit en cette chose, en la vérité, qu'il est une personne de la vérité. Donc, tu ne dois pas te baser sur les hommes pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. Tu dois te baser sur la vérité elle-même. Et une fois que tu as connu la vérité elle-même, qu'est-ce qu'elle est, et que tu vois qui adhère à cette vérité, c'est comme ça que tu les reconnais, les gens de la vérité, parce que tu as reconnu la vérité qu'ils ont suivie. Hein? Donc, tu ne dois pas adhérer à des hommes, mais tu dois adhérer à la vérité elle-même. Une fois que tu connais la vérité elle-même, tu vas reconnaître qui sont les vrais hommes et qui sont ceux qui méritent d'être suivis parmi les hommes parce qu'ils suivent la vérité, pas parce que c'est eux. Parce que tu vois, les gens de Bid'a, eux, c'est ça leur problème, une grande partie de leur problème, surtout chez les gens de Bid'a, parmi les soufis et autres. Ils reconnaissent pas la vérité en elle-même. Ils écoutent et ils donnent une valeur à une parole par rapport à qui l'a mentionné ou qui l'a dit. Et si c'est quelqu'un d'autre qui dit quelque chose, ils ne vont pas l'écouter, même si c'est le haq, même si c'est la vérité, ils ne vont pas l'écouter. Toi, là, tu peux aller, par exemple, tu vas aller quelque part dans certains pays musulmans où les chouyours soufis, là, c'est eux qui ont l'autorité ou qui ont le pouvoir. Tu vas aller leur parler, personne ne va t'écouter. Pourquoi? Parce que le cheikh, il va dire à ces gens-là, lui, ne l'écoutez pas. Même si tu es en train de leur enseigner le Coran et la Sunna et le Tawhid, il n'y a personne qui va t'écouter. Pourquoi? Parce que eux, ils ont, les gens, la mentalité qu'ils ont, c'est ces gens-là, c'est eux le détenteur de l'haq. Et peu importe qu'est-ce qu'ils disent, même si c'est faux, c'est l'haq. Tandis que les autres, hein, tout ce qu'ils disent, c'est batil, même si c'est vrai. Parce qu'il ne fait pas partie des nôtres ou de ceux-là. Et c'est ça, c'est un grand danger, parce que quand la personne commence à penser de cette façon-là, elle ne voit plus rien, elle ne voit plus clair, elle ne peut plus distinguer le vrai et le faux. Et après, le cheikh, il dit... Donc, il dit... Il y a des gens qui se sont laissés tromper par le nombre, hein, malheureusement. Et il dit, et même parfois, certains parmi ceux qui prétendent posséder la connaissance. Hein, subhanallah. Et donc, dans leur religion, ils ont cru à ce que des ignorants et des égarés ont cru parce que c'était la vérité. Et ils ne se sont pas tournés vers ce que Allah et son messager a dit. Hein, et le cheikh, il dit... هذا تعليق من الشيخ رحمه الله بأن بعض من يدعي العلم في وقته وفي وقتنا هذا وإلى الأبد يحتجون بالكثرة إذا جاءتهم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على بطلان ما هم عليه قالوا ولكن هذا عليه أكثر الناس فسبحان الله هل المسلم متعبد بما عليه الناس أم بما في الكتاب والسنة الواجب الرجوع إلى الحق وإن كان عليه القليل وهذا هو الواجب على المسلم الذي يخاف الله ويريد النجاة لنفسه أما الاحتجاج بما عليه الناس بدون دليل فهذا هو قول الكفرة الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وفرعون كان يقول فما بال القرون الأولى يعني هذه حجة داحضة يكررها المشركون وأهل الباطل في كل زمان ومكان يستدلون بالكثرة نقول نعم إن كانت الكثرة على دليل هذا خير أما إذا كانت على باطل فلا عبرة بها. Donc le cheikh il dit, ça c'est un commentaire du cheikh qui nous indique que certaines personnes qui prétendent la science à son époque, l'époque de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et à notre époque, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours ce genre de personnes qui utilisent la quantité pour essayer de déterminer la vérité. Ils disent, ah, si la majorité suit ça, ça veut dire que c'est vrai. Même si qu'est-ce qu'ils suivent est en contradiction avec les preuves authentiques. Donc lorsque tu leur amènes les preuves authentiques du Coran et de la Sunna pour montrer que ce qu'ils suivent est faux, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, mais c'est ça que la majorité des gens, ils croient. C'est ça la majorité des gens, ils font. Le cheikh dit, subhanallah, est-ce que le musulman, il a été ordonné d'adorer Allah par ce que la majorité des gens font? ou bien par ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc l'obligation, c'est de revenir à la vérité, même si ceux qui sont sur cette vérité-là sont un petit nombre. Hein? Donc il est obligatoire aux musulmans de craindre Allah s'il veut le salut pour lui-même, et donc de se baser sur l'argument de dire « Oh, mais la majorité des gens sont sur telle chose », eh bien, ça c'est l'argument des kuffars en réalité. Et c'est la parole des kuffars. Parce que c'est eux qui disaient, par exemple, comme Allah il le mentionne dans le verset 23 dans Surat Az-Zukhruf, « nous avons trouvé nos pères et nos ancêtres sur une voie, hein, et nous suivons leur exemple. Hein. » Et le verset 51 dans Surat Taha, qui mentionne la parole de Pharaon, qui disait « Fama balul quruni l'oula » C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dirais des nations précédentes qui, elles, par exemple, étaient sur des fausses croyances aussi, en voulant dire, puisque avant nous, il y a eu des nations et des peuples qui ont cru à du shirk et du kufr et à des choses fausses, et qu'eux, ils étaient nombreux à croire en ça, donc, est-ce qu'ils étaient tous sur l'égarement? C'est comme si tu utilises la quantité et le nombre pour essayer de justifier le faux que toi tu suis aujourd'hui. Hein? Tu dis, ah mais non, il y a eu plein de peuples qui n'ont pas cru en Allah, qui n'ont pas cru en Allah, qui n'ont pas cru au tawhid et qui n'ont pas cru au messager. Alors, si eux, ils nous ont devancés et qu'ils ont cru en ça, ça veut dire que c'est ça la vérité pour eux. Hein? Et le cheikh, il dit, c'est un argument qui est totalement faux et que les mushrikoun et les gens de la fausseté à toutes les époques et dans tous les endroits, ils répètent toujours ce même argument qui est totalement batil. Hein, et ils utilisent la quantité comme argument et ils disent c'est ça qu'il faut suivre. Et le cheikh dit, si la quantité ou si la majorité est sur une preuve venant d'Allah, alors dans ce cas-là, c'est bien. Mais si la majorité est sur le faux, alors on n'en tient pas compte. On ne doit pas tenir compte de cette quantité-là ou de cette majorité-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite de l'explication de Kitab al-Tawhid au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.